Salut tout le monde! Si je vous parle d'embryologie et de biologie du développement, vous allez peut-être penser au générique d'Il était une fois la vie, à la PMA, ou aux bocaux de cabinets de curiosité de fœtus dans du formol sur des étagères d'un muséum poussiéreux. Mais pourtant, la biologie du développement est un champ très actif de la biologie, et on est encore loin de tout savoir, chez l'homme comme chez plein d'autres espèces. Aujourd'hui, nous recevons Arthur Michaud, docteur en biologie du développement, actuellement en postdoc à Paris, pour nous parler de biophysique du développement chez le poulet, une sous-discipline de la biologie du développement qui est en plein essor et qui est en train de révéler des mystères insoupçonnés concernant les forces, cela peut être pris à double sens, régissant le développement des organismes. Nous sommes le mercredi 28 octobre 2020, bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, en cette soirée de reconfinement, nous sommes un petit groupe. Nous avons donc Arthur Michaud, notre invité depuis Paris. Bonsoir. Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Pascal depuis l'Alsace. Salut. Et moi, Alexa, depuis Los Angeles, comme d'habitude, semi-confinée donc. Et donc ce soir, nous allons interviewer Arthur Michaud, que je suis ravie d'accueillir ici dans Podcast Science, puisque en fait avec Arthur, on se connaît, je pense qu'on vient de réaliser depuis à peu près 10 ans, puisque j'ai fait mes premières armes d'enseignement à l'ENS de Lyon lorsque j'étais en thèse pour enseigner justement un peu de biologie du développement. Et Arthur était à l'époque, je crois que tu étais en licence au départ et ensuite en M1. Donc voilà, donc on se connaît depuis longtemps et depuis Arthur a fait plein de choses, notamment un doctorat et est actuellement en postdoc dans le laboratoire de Jérôme Gros à Paris. Et donc va nous parler un peu de tout ça, de son cursus, de la biologie du développement, de ses sujets de thèse et de postdoc et aussi de ses activités de vulgarisation. Parce que Arthur est très très impliqué en vulgarisation, il a été à l'étranger et puis maintenant en France. Alors, bienvenue Arthur dans cette émission. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, notamment en nous donnant ton cursus scolaire puis universitaire et ce qui t'a amené à faire une thèse en biophysique ? Merci pour cette invitation. Moi, en fait, j'ai eu un cursus assez classique pour arriver en thèse, c'est-à-dire que j'ai fait une prépa bio, et puis après je suis rentré à l'ENS Lyon, comme tu le disais dans l'intro, où j'ai continué à faire de la bio, et j'ai fait de la bio que pendant un an, parce que j'en avais un peu marre en fait de voir que de la bio, et je voulais retourner un peu comme ce que je faisais en prépa, où on faisait plein de choses, et du coup je me suis dit je vais repartir faire de la physique. Et du coup, j'ai recommencé par un cursus physique et j'ai fait 3 ans de physique avant de commencer une thèse de biophysique, du coup. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à faire une thèse de biophysique. Après, il y a plein de secteurs à la biophysique, donc ça peut être la bio du développement, c'est ce que j'ai choisi. Mais voilà un peu comment je suis arrivé jusqu'à la thèse. Et du coup, est-ce que dès le départ, quand tu as commencé à retourner... Alors déjà, tu nous as dit que tu as fait une prépa, donc j'imagine que c'était une prépa BCPST, donc biologie, physique, chimie, sciences et vie de la Terre. Donc pour nos auditeurs qui connaissent pas ce type de prépa, c'est vraiment une prépa qui est très très généraliste. On a de la biologie, on a de la géologie, mais on a aussi énormément de physique, de chimie et d'ailleurs aussi un peu de maths. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très complet. Mais du coup, finalement, quand tu as commencé à faire de la physique donc à l'ENS, est-ce que tu savais que tu reviendrais à la biologie ou tu imaginais peut-être partir en physique ? Je suis parti là-dedans parce que c'était vraiment, comme je disais, un manque de justement, comme ce que tu disais, que c'est vrai qu'en prépa, on avait quelque chose de très très large avec beaucoup de cours différents, beaucoup de toutes les disciplines, et c'était plus un manque de faire. De la physique, de la chimie, des maths, mais c'était pas dans l'optique de partir totalement de la bio, c'était plus que la bio toute seule m'ennuyait un peu. Et surtout, j'étais pas du tout satisfait en fait par les cours d'introduction à d'autres disciplines. C'est-à-dire que l'interdisciplinaire, c'est un peu à la mode en ce moment, enfin depuis quand même pas mal d'années. Donc il y a souvent des cours d'introduction. Voilà, qu'est-ce que c'est la biophysique en 5 heures? Qu'est-ce que c'est la biochimie en 5 heures? Et ça me satisfaisait pas du tout. Et mais c'était pas, c'était l'idée de, bah, j'ai envie d'être à la fois un biologiste, à la fois un physicien. Et alors bon, c'est un peu présomptueux de croire qu'on peut être les deux, parce qu'en fait c'est, il y a énormément de choses dans les deux matières, donc c'est un peu complexe, mais en tout cas c'était pas dans le but de fuir la biologie, c'était dans le but d'être aussi un peu physicien, quoi. Et en fait j'ai pas fait que de la, au début je savais pas trop, hein, en fait j'ai commencé par faire de la chimie, mais mon premier stage j'ai bossé sur les origines de la vie en chimie prébiotique, c'est la chimie avant la vie. Et bon, voilà, quoi. Après, j'ai un peu tâtonné jusqu'à arriver à la biophysique. Ouais, alors c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que je pense que pour beaucoup de choix de sujets de recherche, de sujets de thèse notamment, ça se fait pas mal par tâtonnement et par un peu réussir à agréger tout ce qu'on a fait avant comme expérience avant de trouver ce qui nous correspond. Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis sur les cours introductifs et l'interdisciplinarité. C'est vraiment quelque chose qu'on vend beaucoup en recherche, je pense, actuellement. Et effectivement, on a finalement assez peu de biologistes qui sont réellement biophysiciens et peu de physiciens qui sont réellement biophysiciens aussi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment intéressant ton expérience. Et je trouve qu'elle rejoint beaucoup ce qu'on voit en recherche de réelle interdisciplinarité qui impose de devoir vraiment bien se former sur les deux. Et justement, donc t'es arrivé en thèse avec ce background bien posé, et on va parler un peu de ta thèse brièvement avant qu'on parle plus de la biologie en détail un peu plus tard. Elle s'intitule « Biomécanique de l'élongation de l'axe antéro-postérieur chez l'embryon de poulet » et tu l'as fait dans le laboratoire d'Olivier Pourquier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, comme tous les titres de thèse, ça fait... C'est souvent, on rigole un peu parce que vu de l'extérieur, c'est toujours des très très longues phrases et du coup, ça fait un peu peur à chaque fois un titre de thèse. Alors déjà, si on essaye de... Déjà, même si je pense qu'on va en parler après, la biologie du développement, c'est juste pour repartir un tout petit peu des bases de qu'est-ce que la biologie du développement, c'est simplement essayer de comprendre comment à partir d'une cellule œuf, on arrive à faire un individu... entier, fonctionnel, qui marche, voilà. Et sauf que le développement, c'est toujours quelque chose d'extrêmement bien contrôlé, et du coup, le but, c'est d'essayer de comprendre un peu comment marche ce développement. Et donc après, en fait, c'est entre une cellule et un organisme entier, il y a tellement d'étapes qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à étudier, et moi, j'ai étudié une petite partie là-dedans. En général, quand on fait la biologie du développement, on se spécialise dans un stade particulier du développement. On fait rarement tout le développement. Et donc moi, c'est biomécanique de l'élongation de l'axe antéro-postérieur. Donc l'axe antéro-postérieur, c'est en gros l'axe de la tête aux pieds. Et en fait, c'est essayer de comprendre comment cet axe, qui est un peu qui va devenir notre colonne vertébrale, se forme. Parce qu'au début, on a une cellule, la cellule, elle se multiplie, ça fait une boule de cellules, et la boule de cellules, au bout d'un moment, elle commence à s'allonger. Et cette élongation, ce qui m'a intéressé, justement, c'était essayer de comprendre comment se passait cette élongation. Et donc, je pense qu'on va en parler un peu plus en détail plus tard, mais c'est un peu le grosso modo, ma thèse. Oui, on va rentrer dans le détail un peu plus tard, mais c'est très intéressant puisque c'est un événement finalement majeur, la mise en place de cette colonne vertébrale et de cet axe pour les vertébrés et puis pour pas mal d'espèces même en général. Et ta thèse justement donc, qui a été faite chez Olivier Pourquier, tu l'as réalisée à la fois à Strasbourg et à Boston, à Harvard. Donc je crois que ça n'a pas vraiment été un choix, mais quelle a été la raison de ce choix ? Est-ce que ça a posé un problème ? Et est-ce que ça a posé des problèmes, notamment sur la différence de formation entre les US et la France ? Alors, enfin, ça a quand même été un choix dans le sens où je savais, en fait, c'est, je suis parti à Boston presque au début, j'ai fait un an à Strasbourg. Donc, en fait, j'étais au courant que le labo allait déménager. Ce qui s'est passé, c'est que donc quand je suis arrivé dans, je suis rentré dans ce labo, ce labo était sur le départ et allait s'installer à Boston. Enfin, il était déjà en cours d'installation à Boston, donc j'étais au courant. Et ça a d'ailleurs été plutôt une de mes raisons, en fait, du choix de cette thèse. C'était que j'avais fait mes deux stages de master avant en Angleterre et j'avais vraiment envie d'aller à l'étranger et passer du temps à l'étranger. Et sauf qu'en fait, bah, faire une thèse à l'étranger, c'est pas si simple parce qu'on a souvent des systèmes pour avoir une bourse pour faire une thèse qui sont très différents entre pays. Par exemple, enfin, aller faire une thèse aux États-Unis, il faut quasiment un an de préparation pour candidater à toutes les bourses et toutes les candidatures en fait pour rentrer dans un programme doctoral aux États-Unis. Enfin, c'est très long et puis un programme doctoral aux États-Unis c'est très très long. En Angleterre ça se passe différemment. Enfin voilà, c'est compliqué. Du coup moi j'avais une bonne opportunité où bah, j'étais inscrit en France et puis j'avais pas le choix. Mon université est obligée d'accepter que je sois détaché parce que mon labo déménageait. Donc pour moi c'était en fait une bonne opportunité d'avoir ma thèse française et me permettre de partir très vite aux États-Unis. Du coup j'ai passé sur les 5 ans dans le labo, en fait, enfin, j'ai fait ma thèse en 4 ans, mais après je suis resté une année de plus. Voilà, sur les 5 ans en tout qui ont duré mon temps dans le laboratoire de thèse, il y a eu 4 ans aux États-Unis. Ouais, ce qui est quand même un temps important. Du coup, si tu avais quelque chose à changer dans ce cursus, ce serait quoi? Est-ce que tu donc tu t'as dit que tu repartirais de toute façon, mais Bah, je pense que sur la thèse et tout ça, enfin, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai plus, enfin, j'ai pas encore vraiment le recul. Enfin, ma thèse, je l'ai soutenue il y a 2 ans. Je pense que j'ai plus de recul sur les études avant et sur ce qui m'a manqué. En fait, c'est un peu ça reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, quand on fait une thèse un peu à l'interface, comme ça, enfin, quand on fait de la recherche à l'interface, on est vraiment. Bah, c'est compliqué d'être à la fois un biologiste et à la fois un physicien. Et je pense que n'importe quel thésard a le syndrome de l'imposteur, mais quand on est entre les deux, on l'a encore plus. C'est-à-dire que moi, je suis rentré en thèse, ça faisait 3 ans que je n'avais pas fait de bio, je ne me sentais pas du tout biologiste. J'avais fait 3 ans de physique avant, mais je ne me sentais pas pour autant un vrai physicien. Et du coup, Enfin, je me suis dit, c'est en fait, c'est les années de. Et ça, on s'en rend pas compte vraiment, je pense, pour quand on est étudiant. Mais les années de formation avant de commencer la recherche, elles sont primordiales, quoi. Parce que, en fait, plus jamais on va avoir l'opportunité d'être un étudiant qui a juste le temps d'apprendre. Et en fait, c'est super, on s'en rend pas compte. Au début, on a les cours et ça paraît. Enfin. On en a marre et tout ça, alors qu'en fait, on a un temps incroyable pour apprendre plein plein de choses. Et ça, ce temps-là, on ne le retrouvera jamais. À partir du moment où on commence la recherche, il y a une sorte de décompte qui se met en place. On a tant d'années pour finir la thèse après, on a tant d'années pour candidater au grant pour devenir chercheur et tout ça. Enfin, tout va très très vite, on n'a plus le temps. Et donc moi, si je voulais changer un truc, c'était, bah, peut-être, enfin, j'ai déjà pris mon temps, mais si c'est possible, enfin. Le conseil que je pourrais donner aux gens qui n'ont pas encore commencé une thèse, c'est pas prendre de vraiment prendre son temps et continuer à apprendre plein de choses parce qu'après on n'a plus le temps, quoi. Je vois Elia qui hoche la tête, effectivement. C'est très très vrai ce que tu dis. Il n'y a pas un jour qui passe maintenant où je me dis pas ah, c'était bien la fac quand même. Je veux dire, notre seule occupation c'était de laisser des gens nous apprendre des choses d'aller aussi chercher les infos nous-mêmes parce que c'est super fatigant hein, de devoir apprendre un truc par soi-même quand on n'a pas les clés et voilà je trouve ça très très vrai ce que tu dis. Mais ouais, et je pense que moi, par exemple, vraiment une de mes frustrations, j'avais commencé ma thèse, je me suis dit, donc, enfin, on parlera de ma thèse après, mais j'ai fait vraiment une thèse expérimentale, quoi. J'ai monté plein de manips et je m'étais dit, bah, comme je suis biophysicien, j'ai envie d'à la fois être un biophysicien expérimentateur, mais aussi théoricien, et j'aimerais bien faire un peu de théorie et tout ça. Et en fait, c'est deux métiers quasiment différents. Enfin, il y en a qui arrivent à faire les deux, mais au début de ma thèse, je me suis dit, ça serait bien que sur les 3 ans de thèse, je passe 6 mois, 1 an à faire de la théorie, à refaire des équations, tout ça. Et en fait, j'ai jamais refait d'équation depuis, quasiment pas, quoi, depuis mon M2. Et je pense que je serai jamais théoricien, du coup. Et enfin, peut-être que j'en sais rien, mais ça. Voilà. Il faudrait que tu t'arrêtes complètement d'être expérimentateur et que tu passes entièrement dans la théorie. Ouais, voilà. Ce qui serait pas trop compliqué si, par exemple, j'avais un bagage plus important que j'ai pas actuellement. Et c'est dans ça que je disais que prendre le temps avant de commencer la recherche, c'est vraiment important. Ouais, c'est dur de réussir à s'arrêter, je trouve. Même après, quand t'es en postdoc et que tu veux voir de nouveaux champs, c'est facile d'être attiré par de nouvelles choses. Et puis, c'est dur de réaliser qu'on peut pas tout faire. Alors après, les collaborations, ça permet de le faire d'une certaine façon, mais c'est vrai que c'est un peu... Ouais. Oui, bah moi aussi, en fait, maintenant, je le vis bien. Enfin, au début, j'étais pendant ma thèse, je me disais, vraiment, c'est dommage que je puisse pas faire ça et ça. J'essayais de prendre un peu des cours de temps en temps. Je me disais, hop, là, je rouvre un bouquin là-dessus et puis j'apprends des trucs. Maintenant, j'ai un peu fait mon deuil de ça. Je me dis, j'ai pas le temps de faire ça. Et puis, en fait, c'est pas grave. Enfin, il y a plein de choses aussi intéressantes. Donc, c'est pas trop grave. Mais bon, voilà, c'est toujours cool d'avoir un maximum de choix au début, quoi. Petit message aux étudiants, du coup, profitez bien de vos études. Ouais, profitez, ça revient jamais après ce moment-là. Alors, pour enchaîner sur les études, la thèse, c'est des études, mais là, maintenant, on va parler vraiment de science et de ce que tu as fait pendant ta thèse. Donc, elle se concentre sur la biologie du développement. Alors, pourquoi faire de la biologie du développement pour toi? Est-ce qu'on ne connaît pas tout sur le développement du poulet, déjà? Alors, pour répondre à ça, c'est... Il faut avoir un peu en tête qu'est-ce que c'est la biologie du développement. J'ai dit vite fait tout à l'heure ce que c'était, c'est de comprendre voilà, comment un embryon se développe. Mais en fait, il y a plusieurs domaines à la biologie du développement. Il y a en fait un domaine assez historique qui est un peu essayer de comprendre le programme du développement, le programme génétique, parce que tout est codé dans nos gènes, et donc voilà, il y a en gros il y a toute une sorte de cascade de programmes qui se mettent en place au cours du temps pendant le développement embryonnaire, et donc c'est l'aspect très génétique, expression génique, donc expression des gènes, qui est un peu le côté historique, et donc aussi, et voilà, toutes les... Ça comprend en fait aussi tous les marqueurs qui identifient. Ben, voilà, il va avoir un marqueur qui va être plutôt vers l'avant de l'embryon, un marqueur plutôt vers l'arrière, et puis ça va faire des. Les molécules vont diffuser dans l'embryon et tout ça, et du coup ça crée des identités à différentes régions, et comment une région qui a telle identité va générer toute une cascade d'événements qui vont mener au développement de l'embryon. Tout ce côté-là, très génétique, biochimie et compagnie, on a fait quand même pendant pendant des décennies. Et en fait, ça, c'est un peu, ça oublie, enfin, il y a vraiment un deuxième domaine qui est assez différent, qui est le domaine qui s'appelle la morphogénèse, qui est donc morphogénèse, c'est la formation, la fabrication des formes. En gros, c'est essayer de comprendre mécaniquement comment ça se passe tout ça. En fait, c'est bien beau de dire que là, qu'on sait que ce gène-là, il va donner une tête, il va vous donner une tête, donner un cœur, donner un membre, voilà. Mais après, comment ça se met en place? Comment l'embryon va se déformer pour créer ses futurs organes? Et donc ça génère en fait tout un champ d'études qui essaie de comprendre mécaniquement qu'est-ce qui se passe. Et si tu me demandes est-ce qu'on ne se connaît pas déjà tout, en fait, on connaît plein de choses, si, mais en fait, tout dépend de... on a toujours des nouveaux outils, et les nouveaux outils permettent de raffiner ce qu'on connaît ou de remettre en cause ce qu'on connaît. Et en particulier pour ce que le deuxième domaine dont je viens de parler, c'est la morphogénèse, c'est quelque chose qui a été vraiment boosté ces dernières années, depuis en gros 20-30 ans, par une des vraiment très grosses révolutions de la biologie, qui est la microscopie. En fait, la microscopie, il y a 20-30 ans, en fait, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a commencé à avoir on était capable d'avoir des molécules fluorescentes qui nous permettent d'imager vraiment des choses très particulières, très précises dans le vivant. Et ça, c'est un champ qui a complètement évolué. Et en gros, avant, pour avoir des belles images, on était obligé de faire des images fixes avec de la microscopie électronique, qui était la microscopie qui tuait les embryons, enfin ou n'importe quel système. Et on ne pouvait pas vraiment faire de film, par exemple. Et maintenant, avec la microscopie à fluorescence, alors je ne rentre pas dans les détails de tous les super résolutions et tout ça qui existent. Alors, je t'arrête juste deux minutes, parce que du coup, parfait que tu en parles, parce qu'on a fait, l'année dernière, moi j'ai fait un épisode sur la microscopie biphotonique, justement, donc le biphoton, que j'imagine tu as peut-être utilisé déjà aussi. On a aussi des épisodes super d'Irène sur la microscopie en général, je crois qu'elle avait parlé du confocal aussi, j'en ai parlé, enfin on a pas mal d'autres épisodes sur la microscopie, donc on peut renvoyer tous les gens que ça intéresse plus dans le détail à ces épisodes-là qu'on a déjà fait, et qui effectivement, où on a pointé du doigt cette possibilité de faire des images magnifiques et de voir des choses en biologie qu'on ne pouvait pas voir avant. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas que vous ayez fait toutes ces émissions-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné le domaine, et du coup qui permet de poser des nouvelles questions et d'avoir des données qu'on n'avait absolument pas. C'est-à-dire qu'on fait des time-lapses. Donc vous imaginez tous là, les time-lapses quand, par exemple, on prend une photo au cours des saisons du même endroit ou des photos de foule extrêmement accélérées. Ça, c'est ça le time-lapse. En fait, c'est un film, mais sur une échelle de temps complètement différente. Et nous, typiquement, ce qu'on va faire pour filmer notre embryon, on va prendre une photo toutes les 10 minutes, par exemple. Et alors, après, on regarde un film accéléré de 20 heures de développement. Et ça, tout ça, on ne pouvait pas le faire avant. Et donc ça a complètement changé le domaine de la morphogénèse. Voilà, c'était un peu pourquoi faire la biologie du développement. Pourquoi moi en faire justement, c'est aussi une de mes raisons principales, c'est pour avoir choisi ma thèse, c'est qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient en biophysique. Mais en fait, ces films-là, qui sont magnifiques, y a un peu un effet waouh tous les jours quoi. Quand j'allume le microscope et que je regarde le film que j'ai fait sur la nuit et que je vois des films incroyables, c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce domaine. Donc, la beauté des systèmes, je suis assez d'accord avec toi pour ça. Moi aussi, c'est vrai que regarder des belles images de microscopie et puis réussir à trouver des réponses aux questions qu'on se pose en regardant ces images, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez incroyable. Alors du coup, là tu nous parles de la biologie du développement en général, donc tu nous as parlé comment l'embryon se développe en avec différentes parties de l'embryon qui se développent en fonction des gènes qui sont exprimés, etc., de la morphogénèse. Tu nous as pas encore parlé de biomécanique, c'est un domaine qui est assez récent. En quoi, qu'est-ce qu'il apporte de plus au-dessus de tout ce que tu viens de nous parler ? En fait, c'est pas si récent que ça. En fait, quand on regarde au long de l'histoire de la biologie, on a des physiciens qui s'intéressent à la biologie un peu tout le long. Par exemple, la découverte de l'ADN par Rosalind Franklin, Watson et Crick, ils sont tous physiciens. Et alors, je pense qu'un des trois n'est pas physicien, je ne sais plus si c'est Watson ou Crick, mais bref, les deux autres sont physiciens. Et en fait, il y a une raison assez simple pourquoi les physiciens sont intéressés à la biologie depuis toujours, c'est que, en fait, les systèmes biologiques, c'est des systèmes qui sont, pour les physiciens, qui sont incroyables, qui sont très très différents des systèmes inertes qu'ils ont l'habitude d'étudier, qui ont vraiment des réponses du fait que ce soit des systèmes vivants qui ont qui dépensent de l'énergie. Du coup, ils vont avoir des comportements très très différents. Et donc, par exemple, je sais pas, là, quelque chose assez récent qui a été étudié, qui est un peu différent, enfin qui n'est pas du tout dans la biologie du développement, c'est regarder les mouvements de foule, regarder les mouvements d'animaux, tout ça. Ça, c'est des... Il y a plein de physiciens qui s'intéressent à ça. Et ça, c'est... Voilà, enfin, c'est... Du coup, en fait, c'est pas si nouveau que ça, la biomécanique, enfin la biophysique et la biomécanique en particulier. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où il y a un peu en gros, depuis une vingtaine d'années, enfin, 30 ans, un peu un essor de la biomécanique qui est dû un peu à une communauté de physiciens qui est aussi assez récente, qui est la communauté des physiciens de la matière molle, qui se sont mis et qui sont intéressés à la bio. Du coup, en fait, la matière molle, c'est aussi une partie de la physique qui est récente, enfin relativement récente. C'est-à-dire que dans l'étude des matériaux, en fait, avant, on étudiait les matériaux, soit les matériaux solides, soit les matériaux liquides. Donc, qu'est-ce que c'est la mécanique? C'est comprendre, pour un matériau solide, à quel point il est solide. Donc, on lui tire dessus, on lui impose une force. À quel point il se déforme quand on lui tire dessus? Ça, c'est l'élasticité du solide qui le contrôle. Pareil pour un liquide. Un liquide entre du miel et de l'eau, il y a une différence de viscosité entre les deux. Pour la même force qu'on va appliquer dessus, ils vont pas couler à la même vitesse. Voilà. Et ça, c'est un peu la physique des matériaux classiques. Et puis, dans les années, on va dire, 60, fin des années 70, 80, il y a la matière molle qui est arrivée. On a un prix Nobel français, Pierre-Gilles de Gennes, qui a eu son prix Nobel au début des années 90, je crois, qui a fait partie vraiment des pionniers de ça, de ce domaine-là. Et donc, tous ces gens-là, ils se sont intéressés en fait, aux systèmes qui sont un peu entre les deux, qui sont ni des solides ni des liquides, qui sont des systèmes mous, comme des gels et tout ça, et qui ont qui en fait à différentes échelles de temps, au temps court c'est plutôt des solides, au temps long c'est plutôt des liquides, se sont intéressés à tout ça, et en fait c'est les systèmes mous, un des systèmes très mous c'est les systèmes vivants, donc nos corps sont en fait c'est de la matière molle, et du coup quand ces physiciens-là ont commencé dans les années 90 à s'intéresser à tout ça, ça a redonné un boost à la biomécanique, et voilà, on est un peu sur cette continuité là. Les matières molles, est-ce que le fromage c'est une matière molle? Oui c'est une matière molle, clairement. C'est une matière molle qui est liquide à long terme. Alors qu'un gel, par exemple, n'est pas liquide à long terme. D'accord. Effectivement, c'est super intéressant. Du coup, finalement, c'est cet aspect-là qui est un peu plus récent, quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en biologie du développement, l'incorporation, elle est... Enfin, c'est vrai que nous, maintenant, je vois même en Evo-Devo, il n'y a plus que ça dans les congrès, quoi, de la biomécanique, de la morphogénèse, alors qu'avant, même il y a 10 ans, il y en avait quand même un petit peu moins. Ouais, c'est pas faux. Moi j'ai commencé à faire des... Ça fait quand même pas très longtemps que je fais des conférences, et c'est-à-dire que mes premières conférences de biomécanique remontent à 6-7 ans, donc voilà, c'est pas très très vieux, mais déjà je pense qu'en 6-7 ans j'ai vu une petite évolution. Bon, après, c'est encore assez récent, mais... Ouais, non, mais si, c'est déjà suffisant, je pense, pour voir les choses. Enfin, ça change tellement vite maintenant. Et alors, du coup, voilà, donc tu nous as parlé de la bio du développement, de la biomécanique. Venons maintenant au cœur du sujet, l'axe antéro-postérieur chez l'embryon de poulet. En quoi, finalement, ça nous renseigne sur le développement des organismes en général? Tu nous as parlé de la colonne vertébrale tout à l'heure. Est-ce que, donc, du coup, on a une portée encore plus grande à ton travail que uniquement le poulet? J'imagine que oui, puisque tu nous as parlé de la colonne vertébrale et de cet axe qui est finalement fondamental. Ouais, alors donc, déjà juste pour répondre à ta dernière question là tout de suite, c'est en effet, on étudie ça toute la biologie du développement. À chaque fois, on a des organismes modèles pour étudier, et donc il y a plus ou moins de justification à étudier tel organisme. Et donc, nous, le poulet, pourquoi le poulet? Parce que c'est un organisme plus simple à étudier que la souris, par exemple, parce que le développement de l'embryon est externe. Donc, en gros, une souris, si on veut récupérer ses embryons, ben, il faut tuer la mère et récupérer ses embryons. Donc, c'est quand même c'est problématique. Alors que pour un poulet, il suffit de récupérer des œufs, on met les œufs à incuber, et puis hop, on récupère les embryons qui sont dans les œufs. Donc, d'inconvénients ou d'avantages. Et donc, par contre, si on veut étudier quelque chose dans le développement qui est spécifique aux mammifères, bah, bien sûr, on ne va pas étudier le poulet. Mais quand on étudie... après, tout dépend des stades. Et donc là, quand on étudie des stades précoces comme moi pour la formation de l'accent antéro-postérieur, donc précoce, c'est-à-dire que ça se passe autour de 2 jours de développement pour le poulet et un développement qui dure 21 jours. Et ça correspond à peu près à 9 jours chez la souris et 8 semaines chez l'humain. En fait, on a des... Les échelles de temps sont très différentes, mais par contre, quand on regarde les processus, c'est des processus assez similaires. Et donc, quand on regarde ça, il n'y a pas des différences fondamentales entre un embryon d'humain et un embryon de poulet du coup, 2 jours pour l'embryon de poulet et 8 semaines pour l'humain. Donc, c'est assez bien représentatif de ça. Et donc alors, pourquoi ce sujet ? Comme je le disais avant, c'est un sujet de morphogénèse assez majeur. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment, la morphogénèse, puisque, en fait, on passe d'un moment où... Il y a un embryon qui est vraiment qui n'a pas beaucoup de forme. Enfin, il est à peine allongé. C'est une sorte. Donc chez le poulet, c'est pas une boule à ce moment-là. L'embryon, c'est un disque. Si vous ouvrez un œuf, vous allez voir qu'il y a un petit point blanc à la surface de l'œuf. Ça, c'est la première cellule qui n'est pas fécondée. Qui n'est pas fécondé pour les œufs que vous achetez dans le commerce. Et s'il a été fécondé, ce petit disque, il va s'étaler, c'est un petit disque de 3 mm, il va s'étaler, il va grandir, et ça va rester un disque jusqu'au moment où ce disque va commencer à s'allonger et former cet axe antéro-postérieur. Ça pose la question de comment ça s'allonge. Et donc, on pourrait imaginer que ça s'allonge simplement en ajoutant, comme des Legos, on ajoute des pièces au bout, on pousse la matière au bout, il y a des cellules qui se développent plus au bout, et puis voilà, il y a plus de divisions cellulaires au bout, ou quelque chose comme ça. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. On pourrait imaginer, si, pour rentrer un peu plus dans les détails, quand on parle d'élongation, ça a déjà été étudié dans d'autres systèmes. En gros, il y a un système d'élongation qui est très... un mécanisme d'élongation qui est vraiment assez bien connu. Ça s'appelle le mécanisme de convergence-extension. En gros, vous imaginez des élèves qui sont dans une cour de classe et on leur dit « Allez vous mettre en rang deux par deux. » Donc, ils vont tous... converger vers le centre, vers ce qui va être la ligne où ils vont faire la queue, et ça, ils vont pas pouvoir tous aller au même endroit, du coup ils vont être obligés de se mettre à la queue leu-leu. Et donc vous imaginez que si je parle beaucoup avec mes mains, donc forcément dans un dans un podcast c'est pas très efficace, mais si vous imaginez les cellules qui bougent dans tous les sens et qu'on leur dit allez vers le centre, ils vont devoir, comme les élèves, elles vont se rentrer dedans, et du coup, ça va s'allonger. Donc ça, ce mécanisme de convergence-extension, il a très bien été étudié dans le modèle qui est la grenouille, le modèle vraiment historique de développement embryonnaire, et ça marche très bien. Et sauf que quand on a regardé ça chez le poulet, il y a très peu... Alors, c'est pas... Là, je caricature un peu, je peux pas vous dire qu'il n'y a pas du tout de convergence-extension, mais... En fait, ça marche pas trop, parce qu'on regarde les cellules, elles bougent dans tous les sens, elles migrent pas vers le centre pour et se mettent pas en rang, et ça fait pas un petit tissu bien solide qui se met en rang et qui s'allonge comme ça de manière autonome. Et les cellules, c'est un système très très fluide, et les cellules, elles bougent dans tous les sens, Et il y a une sorte de gonflement du tissu et c'est pas et du coup on essaie de comprendre comment ça, enfin en tout cas le mécanisme classique pouvait pas marcher. Donc c'était un peu le départ de ma thèse, c'était ça, c'était on avait remarqué qu'il y avait un tissu en particulier dans l'embryon qui était responsable de l'élongation, les cellules étaient très agitées, on essayait de comprendre comment ça pas marché. Et donc, vous avez réussi à élucider ce phénomène ou seulement une partie ? Alors, je pense que c'est un système qui, en gros, je ne sais pas la réponse définitive. Après ma thèse, c'est pas, y a pas un modèle, en gros, un textbook modèle où on pourrait expliquer exactement comment ça se passe. Le but de ma thèse, c'était un peu, on avait montré qu'est-ce qui était important dans l'élongation. Maintenant, il y avait un sentiment de on comprend pas très bien ce qui se passe. Il faut, si on veut faire comprendre le mécanisme, il va falloir un peu mettre les mains dedans. Mettre les mains, tout ça, c'est de la physique, c'est un peu de la mécanique. Il va falloir mettre les mains dedans parce que là, on comprend pas très bien le modèle et donc il va falloir faire des études de mécanique. Et du coup, il y avait un peu deux aspects à ma thèse. C'était à commencer à mesurer les propriétés mécaniques, donc ce que je disais tout à l'heure, savoir si c'est plus ou moins mou, plus ou moins visqueux, tout ça. Et voir, en fait, d'un autre côté, comment ce tissu qu'on pensait responsable de l'élongation, est-ce qu'il était en effet vraiment capable de s'allonger ? Est-ce qu'il était capable de générer des forces capables de pousser tout l'embryon ? Et donc, ça, c'est un deuxième aspect qui était essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec ce... essayer de confirmer un peu l'importance de ce tissu. Et tu aurais un exemple d'expérience particulièrement caractéristique de ça ? Par exemple, comment tu mesures les forces, le gonflement, ce genre de choses ? Alors, du coup, sur les deux aspects, donc le premier aspect, mesurer les propriétés mécaniques, en gros, ce que j'ai fait, c'est, vous voyez, j'ai eu plusieurs approches, mais une des approches, c'était que j'aspire les... Donc, j'ai passé des heures et des heures à disséquer ce petit tissu, qui est un petit tissu, c'est une sorte de petit boudin qui fait 1 mm, 1,5 mm, et de long, et qui doit faire... 70 à 180 micromètres, donc en gros un peu moins d'un dixième de millimètre de diamètre. Du coup, c'est quelque chose qui se voit à l'œil nu, un dixième de millimètre, vous imaginez bien que vous pouvez le voir à l'œil nu, mais c'est quand même minuscule, quoi. Donc on fait ça, cette dissection-là, sous une loupe binoculaire. Et... si vous d'ailleurs voulez avoir un cours de dissection de ce tissu, ça s'appelle le mésoderme presomitique. Si vous voulez avoir un cours de dissection de mésoderme presomitique, j'avais fait sur mon compte Twitter en tweet épinglé. Il y a mon dernier jour au labo, dans mon labo de thèse, j'ai pris des photos à la binoculaire et j'ai fait une sorte de cours pour les futurs étudiants de dissection du mésoderme presomitique. Donc voilà, je suis capable de récupérer ces petits bouts de tissu. Et après, en fait, je les aspire dans des petites pipettes qui sont en fait des petits tubes de verre sous le microscope. Et en fait, la vitesse d'aspiration, quand on les aspire avec une pression donnée, la vitesse d'aspiration au cours du temps nous renseigne sur la propriété mécanique. Si en gros on aspire et puis ça aspire très fort, ça veut dire que c'est assez mou. Si ça aspire très peu, ça veut dire que c'est assez dur. Donc ça, c'était une des premières approches. C'était pour vraiment mesurer les propriétés mécaniques. C'est assez compliqué. Ça a été une partie de ma thèse vraiment galère. L'autre aspect qui était où là, je pense que j'ai eu l'expérience waouh de ma thèse, c'était d'essayer de voir comment ces tissus ils sont capables de s'allonger et si oui, est-ce qu'ils peuvent générer des forces. Donc là, en fait, ce que je vous ai dit avant, là, c'est que c'était des petits boudins. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces petits boudins dans l'embryon, ils sont confinés, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres tissus autour d'eux qui les empêchent, qui maintiennent un peu leur forme. leur forme de boudin. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu refaire l'isoler de l'embryon pour bien montrer qu'il est capable de s'allonger tout seul. Mais si j'isole juste comme ça et que je le mets dans un milieu de culture sous microscope, en fait, il va s'arrondir, il va pas du tout, il va pas garder sa forme. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la microfabrication. Donc, on va dans une salle blanche, on habille en cosmonaute pour pas qu'il y ait de la moindre saleté. On fait des moules avec imprimés avec de la lumière et tout ça. Enfin, c'est des trucs assez compliqués pour faire des petits canaux. Et en gros, j'ai enfermé dans une sorte de petit canot de la même taille que mes tissus. Je les ai enfermés à l'intérieur et tout ça, je pouvais le mettre sous le microscope. Et là, la première fois que j'ai fait ça, comme je vous disais là, donc c'est assez compliqué de fabriquer ça. Ça a pris un peu de temps à fabriquer. Donc, on fabrique pendant plusieurs semaines quelque chose. Et puis là, on fait la première manip. On met les PSM, ces tissus à l'intérieur. Et là, on voit qu'ils s'allongent. Et donc là, j'avais dit, ok, c'est bon, c'est gagné. Quoi. Ça veut dire que ces tissus, ils sont bien capables de s'allonger tout seuls. Donc après, derrière, j'ai fait plein d'autres trucs pour mesurer les forces et tout ça. Un peu compliqué, mais voilà. Ah, c'est fou, c'est super intéressant. On voit un peu la même chose pour le développement des dents, d'ailleurs, pas chez la souris, mais chez d'autres espèces. On voit aussi que la morphogénèse de la dent va être influencée par les tissus qui sont autour. Et effectivement, si tu mets la dent en culture hors de la mâchoire, elle va former une boule aussi au lieu de s'allonger, tu vois. Et donc déjà, on fait un peu la même chose que toi en fabriquant des micro-canaux pour mettre l'allongement, pour que la dent se développe dans un sens. Donc c'est fou. Enfin, j'imagine que tu fais tout ça sous bino, etc. C'est vraiment des manips de précision. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Les tissus, en fait, ils interagissent les uns entre les autres dans un embryon. Et donc, en fait, c'est important de les isoler les uns des autres pour comprendre leur rôle respectif, vraiment leur rôle propre. Mais par contre, ça pose des problèmes quand on les isole les uns des autres. Et du coup, il faut essayer de réfléchir comment on peut jouer avec, enlever les problèmes que ça pose, le fait de le sortir de l'embryon, pour regarder vraiment la chose particulière qu'on veut regarder, quoi. Je suis pas sûre que les auditeurs se rendent forcément compte de la difficulté que c'est de disséquer un embryon ou un tissu d'embryon. Est-ce que tu peux juste donner un ordre de grandeur de quelle taille ça a et comment tu les attrapes du coup? Parce que j'imagine que tu fais... Enfin, c'est des tubes en verre, c'est des capillaires que tu fais. Alors, donc là, le capillaire, lui, il est vraiment là pour... c'est après la dissection. Je viens pêcher mon petit tissu que j'ai déjà disséqué. Je viens le pêcher avec mon capillaire. Et là, je suis sous le microscope et j'aspire. Donc ça c'est le capillaire, j'utilise que pour ça. Avant, je dissèque avant. Donc l'embryon de poulet, en fait, en lui-même, il est relativement gros. C'est pour ça que j'ai fait ma thèse sur l'embryon de poulet. C'est-à-dire que ce que je faisais, si j'avais voulu le faire sur l'embryon de souris, je pense qu'on peut abandonner, quoi. Enfin, c'est tout petit, un embryon de souris, c'est... ça a été très très dur. La plupart d'autres, en gros, les gros embryons comme ça, c'est un peu l'embryon de grenouille et l'embryon de poulet, qui sont un peu des embryons qu'on peut quand même manipuler avec la main, mais donc ça reste petit. Et donc là, c'est un peu ce que là, les tissus dont je parlais tout à l'heure que je dissèque, c'est 1 mm, 1 mm et demi de long et un dixième de millimètre de large. Et donc ça se fait quand même à la main, mais faut pas avoir bu trop de café avant, quoi. Enfin, faut pas trembler trop, c'est des choses ça. On le voit bien sous la binoculaire, mais ça prend le problème, en fait, le plus gros problème, c'est pas la taille. Le plus gros problème, c'est que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher un tissu qui était à l'intérieur de l'embryon. Donc en fait, à ce stade là l'embryon, il est composé de 3 couches. Il y a une couche qui est couche dorsale qui s'appelle l'ectoderme, qui est une couche assez épaisse. Il y a une couche ventrale qui s'appelle l'endoderme. Et entre ça, il y a le mésoderme. Et le tissu que j'allais chercher, c'était un bout de mésoderme. Et le mésoderme, du coup, il colle à tous ces tissus autour de lui. D'un côté, il a la future colonne vertébrale qui s'appelle le tube neural. Il colle à ça, il colle à la plaque latérale qui est sur l'autre côté. Et il colle à tous son tissu au niveau ventral, au tissu au niveau dorsal. Et en fait, il faut arriver à découper sans déchirer. Du coup, on s'aide un peu d'enzymes qui viennent digérer un petit peu, sans trop le détruire, mais qui viennent digérer un petit peu les alentours, le pourtour en fait, du tissu. Mais c'est pas simple. C'est plusieurs mois d'essais-erreurs. Et puis, je trouve ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, mais je pense que c'est important de le répéter, Enfin, ça montre à quel point, en fait, la biologie du développement et le développement d'un organisme, c'est un processus global, qu'on isole certaines parties pour comprendre ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas étudier tout en même temps, mais qu'en fait, toutes les cellules communiquent entre elles, et c'est vraiment un processus qui est très important. Alors, on a une question d'interrogateur dans la chatroom qui te demande, est-ce que le travail de Willy Supato sur la drosophile dans ce domaine t'a inspiré ? Alors, je connais pas Will Supato. En fait, on est vraiment, on travaille un peu par communauté, donc après, c'est bien de connaître un peu. Mais moi, par exemple, je suis vraiment pas un spécialiste de la drosophile. Et c'est un peu aussi ce que je disais tout à l'heure sur le sentiment, un peu le syndrome de l'imposteur qu'on a quand on commence à faire de l'interdisciplinaire, c'est que ben moi, j'ai essayé de faire... je me sens toujours un peu nul. Alors, j'essaie de lire un maximum quand même de papier, parce qu'il faut être à jour. Donc, j'essaie dans mon domaine de bien connaître mon domaine. Mais j'ai l'impression, quand je parle à d'autres collègues biologistes, que ben, je connais pas... Il y a plein de trucs que je connais pas. Quand même, parce que je lis aussi, j'essaie de connaître aussi d'être à jour sur la littérature en physique, quoi, en biomécanique. Et donc voilà. Et la drosophile, ça reste en fait assez éloigné de notre système. Donc je suis vraiment pas du tout un grand drosophiliste. Je viens d'aller voir la page. Apparemment, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en microscopie biphoton pour effectivement élucider les stades de développement des œufs de drosophile. En gros, là, dans le domaine, c'est qu'un des vraiment de personnes qui a poussé à fond le domaine, c'est Thomas Lecuy, qui est un drosophiliste qui vraiment dans le domaine du développement et de la biomécanique. Et lui, il est biologiste lui-même, il n'est pas physicien, mais il bosse avec Pierre-François Laine, qui est physicien. Et tous les deux, ils ont vraiment impulsé beaucoup, beaucoup dans le domaine. Et donc, ils sont un peu leaders. Et d'autres modèles que la drosophile ont pris beaucoup appui sur leurs travaux. Voilà. Ouais, et puis il y a aussi des liens. Tu parlais de la somitogénèse, on a mis une vidéo dans la chatroom. Effectivement, ça, par exemple, ça a aussi des mécanismes qui sont similaires, par exemple, au développement des dents, de toutes les structures répétées. On en avait parlé sur l'épisode Règles de la vie et Turing. Donc, effectivement, je trouve ça difficile aussi de se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs sur des organismes qui sont parfois très éloignés, mais qui pourtant ont un intérêt, où il y a des choses qui se recoupent forcément. Quoi. Ouais, et d'ailleurs, la somitogénèse, en fait, c'est totalement relié à ce que je faisais, parce que, donc déjà, en fait, moi, j'étais dans le labo d'Olivier Pourquier, qui s'est fait connaître par son apport à la somitogénèse, à la compréhension de la somitogénèse. Gros, lui, ce qu'il a montré dans vraiment le papier qu'il a rendu connu, c'est qu'il y a en fait une horloge moléculaire qui toutes les 90 minutes envoie une vague de signal qui vient définir l'endroit où il va avoir un nouveau segment qui va être la future vertèbre. Et en fait, le tissu qui est segmenté, c'est exactement le tissu que j'étudie moi. C'est pour ça que Olivier, après avoir étudié la somitogénèse, il a commencé à s'intéresser à l'élongation, parce qu'en fait, le tissu qui est responsable, enfin qui va créer ses futurs segments, ses futures vertèbres, c'est aussi le tissu qui est responsable de l'élongation, le tissu que je disséquais moi. Et du coup, en fait, bien comprendre comment ça s'allonge, c'est ce qui va donner, si ça s'allonge trop vite, on va avoir, par rapport à la vitesse de segmentation, on va avoir plus de segments. Si ça s'allonge trop lentement, on va avoir moins de segments. Donc, pour avoir le bon nombre de vertèbres, il faut qu'il y ait pile un bon accord entre la vitesse de segmentation et la vitesse d'élongation. Juste pour les auditeurs, effectivement, la somitogénèse, c'est ce qui permet le développement des vertèbres. très très grossièrement, parce que voilà. Je suis pas sûre que tout le monde... Parce que sommitogenèse, c'est ouais. Formation des sommites, et du coup les sommites sont, ce sont des petites boules qui vont donner, entre autres, lieu naissance aux vertèbres. Et aux vertèbres, voilà. Donc c'est un processus quand même hyper important et relié à ce que tu fais. On a trois questions dans la chatroom, de interrogateur encore, qui nous demande « Est-ce que les enzymes qui séparent les tissus de poulet sont utilisées dans l'industrie pour faire du jambon ?» de poulet par exemple, ou autres usages de ces enzymes? Alors non, en fait c'est pas trop, parce qu'en fait ça c'est des enzymes typiquement les enzymes de digestion, c'est des enzymes qu'on sécrète nous-mêmes, que notre corps sécrète dans notre intestin, qui permettent de digérer, en fait c'est des enzymes assez classiques qui coupent les protéines. Donc si tu mets ton jambon dans un bain genre d'enzyme, bah, il va plus rester beaucoup de jambon derrière. Il sera déjà digéré. Il sera pré-digéré, en fait, finalement. Ouais. On a une question de Gépif aussi, qui nous demande du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut voir la prochaine fois qu'on fait un œuf au plat ? C'est vraiment ce petit point blanc dont je parlais, c'est vraiment avant de faire l'œuf au plat. Faut regarder, il va se mettre à la surface le jaune, le petit point blanc. En fait, il y a des, je sais pas si vous avez vu, des sortes de petits tourbillons qu'il y a souvent dans le blanc à côté du jaune. Ça, c'est des sortes de petits pois qui permettent à l'embryon, au jaune de s'orienter. Et du coup, il est toujours, l'embryon est toujours vers le haut. Et donc, normalement, si vous ouvrez un jaune d'œuf, enfin, si vous aurez un œuf, vous allez avoir à la surface du jaune vers le haut ce petit point blanc, et il est vraiment visible, hein, il fait 3-4 mm, donc voilà. C'est une cellule non fécondée, une cellule qui aurait pu donner un embryon s'il avait été fécondé. Et sinon, il faut des poules avec des coques dans une ferme pour en voir un peu plus. Alors, on va passer maintenant à ton post-doc, puisque tu as dit que t'as soutenu il y a 2 ans, et maintenant tu es à Paris, à l'Institut Pasteur, où tu travailles toujours sur la biomécanique, mais cette fois des stades de développement précoce. Alors, si j'ai pris ce qui est écrit sur ton site internet, c'est chez développement précoce chez les oiseaux. J'imagine que tu es toujours chez le poulet. Ça semble proche de ta thèse. Alors, est-ce que c'est une continuation de travail de thèse, ou est-ce que tu as des nouvelles thématiques? Alors, c'est-à-dire que c'est des nouvelles thématiques, c'est pas, en effet, c'est proche dans le sens où je me suis pas éloigné à des années-lumière. J'ai pas voulu souvent, typiquement quand on fait de la biologie du développement, il y a deux parcours assez classiques, c'est de se dire, moi, après avoir étudié un animal, un modèle particulier en thèse, après en postdoc, on passe sur un deuxième. Ça permet de varier un peu, d'avoir une connaissance un peu plus large, avoir des questions un peu transversales. Moi, j'ai pas voulu faire ça parce que je trouve que je suis déjà pas mal à l'interface. Réapprendre en fait tout un nouveau domaine, c'est compliqué, vraiment, en fait, on ne se rend pas compte, mais on est vraiment dans un peu ce que je disais tout à l'heure, quand il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur est-ce que je connaissais tel chercheur sur la drosophile, ben, en fait, on est un peu dans des communautés séparées, et alors, on se tient un peu au courant de ce qui se fait ailleurs, mais il y a quand même plein de choses qui sont très particulières à nos modèles, parce qu'on rentre vraiment dans les détails, et donc aller partir dans un autre, je ne me sentais pas de partir ailleurs, et surtout qu'il y avait vraiment une super opportunité, qui est ce labo dans lequel je suis actuellement, qui travaille sur la caille. Et en fait, l'intérêt de la caille, c'est quasiment comme le poulet, hein, il y a vraiment très très peu de différence à ces stades-là. Simplement, en fait, avec la caille, on peut faire des lignées transgéniques. Et ça, c'est un peu la différence, c'est que le poulet, jusque-là, c'était... c'est un peu un modèle historique et c'est un peu considéré comme pas les modèles très porteurs comparés à la drosophile, comparés aux zébrafiches, donc un poisson qui sont extrêmement utilisés parce qu'on peut faire beaucoup de génétique dessus, on connaît déjà beaucoup de choses. Et le poulet, c'était pas trop le cas, on n'a pas des masses de lignes transgéniques, alors qu'à la caille, on a. Et ça, alors, par lignée transgénique, je reformule juste, donc c'est la possibilité de modifier génétiquement un animal pour, par exemple, lui introduire un gène fluorescent ou modifier l'expression d'un gène. Enfin, en gros, on peut vraiment manipuler le génome de cet animal. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment l'approche historique de tout. Alors, c'est-à-dire que c'est pas forcément, même maintenant on fait de la manipulation, mais même avant de faire de la manipulation, on regardait des mutants et on laissait, en fait, on était à la recherche de mutants qui existaient déjà et qui étaient des mutants qui étaient apparus naturellement. On pouvait forcer, on les mettait dans des conditions mutagènes ou ce genre de choses, mais on regardait l'apparition de mutants et on essayait de voir quel était l'impact de ce mutant sur le développement. Et donc, il y a le cours qui est, enfin, l'exemple qui était qui est assez classique, qui a fait même, je pense que même c'est en lycée, au programme de lycée, où on regarde des drosophiles qui ont des pattes à la place des antennes. Et donc ça, c'est un mutant qui fait que, en fait, les différents segments du corps sont pas mis au bon endroit. Et donc ça a permis d'identifier un gène qui était responsable de l'organisation antéro-postérieure du corps. Et donc ça, commencer à toucher à la génétique, c'est super important parce que ça permet de regarder ça, regarder quelle est l'importance de certains gènes dans le développement. Mais aussi, maintenant qu'on est capable de faire de l'ingénierie génétique nous-mêmes, on peut introduire des gènes. Et donc nous, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement introduire des toutes petites modifications qui font quasiment rien, qui sont juste l'introduction de molécules fluorescentes. Donc quelque chose qui nous intéresse dans la cellule, donc ça va être par exemple un marqueur qui va être dans le noyau de la cellule, ou alors ça va être toutes les cellules, elles ont une sorte de squelette, ça s'appelle le cytosquelette. Bah, on va pouvoir mettre un marqueur au niveau du cytosquelette, donc imaginer quelle est la forme des cellules. Enfin, ça permet de faire ce genre de génie génétique sur les cailles, nous permet de voir plein de choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Et donc, moi, ce que j'étudie maintenant, alors c'est un sujet différent, je ne suis plus du tout sur la formation de l'axe antéro-postérieur. Je suis sur un stade beaucoup plus précoce, donc en gros, juste après, c'est vraiment le tout début du développement, donc enfin, en tout cas le début du développement une fois que l'œuf est pondu, c'est-à-dire que le développement il commence à l'intérieur du corps de l'animal, donc quand l'œuf est pondu, le développement a déjà commencé. À ce moment-là, l'embryon, c'est un disque d'en gros 50 000 cellules, un disque plat. Et au bout d'un moment, ce disque plat, il commence à tourner. Il y a deux tourbillons qui se mettent à tourner d'un coup. Et c'est vachement bien, très reproductible. Et ces deux tourbillons, ils se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, bah, ça forme, les cellules se rentrent dedans et ça forme une ligne. Et ça, c'est la ligne, c'est en fait le début de l'axe antéro-postérieur, mais avant que ça s'allonge. Et du coup, moi, le but, le labo a commencé à travailler là-dessus déjà. Donc moi, j'arrive après quelques années où ils ont commencé à défricher ce sujet-là, où ils essaient de comprendre comment ces mouvements de cellules se mettent en place, comment on passe d'un disque de cellules où il ne se passe pas grand-chose, et puis d'un coup, tout se met à tourner. Comment ça se met à tourner? Quel est le mécanisme? Et donc ça, ils ont commencé à... Ils ont publié un papier là récemment. Et donc, moi, le but, c'est de continuer à venir perturber mécaniquement, essayer de comprendre de la même manière que je disais que pendant ma thèse, bah, j'essaie de comprendre les forces qui font que l'embryon se développe. Bah, là, pareil, il y a des forces qui sont transmises pour que les tissus, pour que les cellules se mettent à tourner comme ça. Et donc là, où je vais venir, je construis en fait des expériences qui permettent de mesurer les forces et d'appliquer des forces aux embryons pour perturber tout ça. Donc voilà, donc tu regardes les forces au niveau de la mise en place de cet événement hyper important du développement qui en fait conditionne toute la suite. Voilà, qui s'appelle donc ces vortex, ça forme la ligne primitive, et ça, la ligne primitive, c'est la gastrulation qui est vraiment le... Si vous tapez gastrulation, c'est peut-être dans les textbooks de biologie du développement, c'est un des éléments très très très importants du développement. majeur. Je crois que tu nous en parleras d'ailleurs tout à la fin de l'émission. On a une question dans la chatroom aussi, de interrogateur encore, je crois. Vous étudiez le poulet car c'est un animal d'intérêt industriel. Alors bon, toi, c'est plutôt en recherche. Est-ce que même si vous travaillez à un stade très fondamental, est-ce que vous ressentez l'impact ou l'influence du monde industriel du poulet ? Pas du tout. C'est-à-dire qu'une fois, je suis allé à une conférence qui vraiment est sur le modèle aviaire, et il y avait quelques personnes qui font des études aussi fondamentales, mais avec des idées un peu plus d'applications industrielles. On n'est pas du tout dans les mêmes sphères, quoi. C'est-à-dire que c'est qui essayait, je pense que ces gens-là, je ne me rappelle vraiment pas, parce que on est vraiment dans des sphères totalement différentes, et ils essayent de voir comment le développement embryonnaire peut se passer le mieux possible pour optimiser les conditions de culture, les conditions d'incubation dans les élevages, ce genre de choses. C'est anecdotique, quoi. Ouais, je pense qu'on peut rappeler que c'est vrai que dans les animaux modèles, puisque le poulet en est un, c'est vrai que les animaux de laboratoire et ce qui se passe dans le milieu industriel est en général extrêmement séparé. On n'a d'ailleurs même pas les mêmes régulations pour le bien-être animal, d'ailleurs. Nos animaux sont beaucoup plus contents. Beaucoup mieux traités, ouais. C'est-à-dire que nous, du coup, en fait, c'est là ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des lignées transgénétiques qui permettent d'étudier ce que je disais tout à l'heure, et ces lignées-là, c'est nous qui les avons, enfin c'est le labo dans lequel je suis actuellement qui les a développées, et donc ça veut dire qu'on a une animalerie avec ces lignées, et pour donc ça veut dire que concrètement l'animalerie c'est un élevage, quoi. Et donc nous on récupère les œufs, notre seul but c'est de récupérer les œufs qui font. Mais là, aujourd'hui, on a une sorte de roulement pour aller s'occuper des animaux. Et moi, aujourd'hui, là, c'est la semaine où je vais récupérer mes œufs. Donc, je vais à l'animalerie et je fais des petites papouilles à mes petites cailles. Et tu t'en occupes très bien. Du coup, tu prends des selfies avec tes cailles de temps en temps pour faire le buzz sur les réseaux sociaux ou... Interdiction. Il y a justement, ils ont très très peur de qu'il y ait le moindre problème. Il y a quand même pas mal de personnes contre l'expérimentation animale. Alors nous, on fait rien aux animaux, on récupère juste leurs œufs. Et du coup, mais dans toutes les universités, ils sont absolument flippés d'avoir en fait des intrusions dans les animaleries. Du coup, les téléphones sont interdits dans les interdictions de prendre des photos. Voilà. Ouais, c'est la même chose pour nous. Et encore avec les souris, c'est même encore pire parce que effectivement, on les tue quand même plus que vous, j'imagine. Donc, c'est vrai que c'est un peu... c'est toujours un sujet assez sensible. Ouais. Mais juste pour dire deux choses, enfin, vraiment à ce propos-là, c'est que... Clairement, parce qu'on entend souvent qu'aujourd'hui, dès qu'il y a ce sujet qui est vraiment totalement légitime, hein, de l'expérimentation animale, c'est pas pour dire que c'est un non-sujet. Mais par contre, souvent, quand ce sujet est abordé, on entend des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité, comme quoi tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on peut se passer de l'expérimentation animale et que, moi, clairement, si je ne regarde pas comment mon embryon se développe, je ne peux pas savoir comment il se développe. Enfin, mon travail disparaît si je ne peux plus utiliser d'animaux. Je peux pas regarder ça sur des cellules. Sur des cellules, je n'aurai aucune idée de comment ça se passe. Moi, mon but, c'est de regarder, de prendre un embryon et de le filmer. Si je n'ai pas l'embryon à la base, je ne peux pas faire mon travail, quoi. Ouais, effectivement, c'est un. Je pense que pour toute la recherche fondamentale, c'est de toute façon une. Et surtout, je pense que ça rejoint quelque chose que tu as dit aussi, qui est sur la complexité d'un organisme. Aujourd'hui, on ne sait pas reproduire la complexité d'un organisme. On ne connaît pas tout sur la complexité d'un organisme. Je pense que ton travail le montre particulièrement. Donc, ça montre bien finalement que pour l'instant, on ne peut pas vraiment se passer de ce modèle-là. On espère qu'on pourra un jour, mais. Parce que toute la complexité des cellules qui interagissent avec les autres, etc., ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Reproduire. Alors, on va peut-être passer à un autre volet de l'interview. Tu nous as beaucoup parlé de la science et de tout ce que tu voulais faire, etc., tout ce que tu as fait et tes projets. Mais en fait, tu fais aussi beaucoup de vulgarisation et de ce qu'on appelle SciComm, donc de communication scientifique. Tu as participé à des comptes Twitter collaboratifs comme la BioLabo. Tu as aussi participé à ma thèse en 180 secondes. Et tu as aussi monté plein de structures de vulgarisation. Alors, quel est ton... pourquoi tu fais de la vulgarisation ? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi ? Alors, avant d'en faire, je pense que je suis un grand consommateur, déjà, de vulgarisation. C'est parce que, vraiment, il y a deux aspects dans la vulgarisation. Et il y a vraiment... il y a le premier aspect qui est, pour moi, le partage de connaissances, et c'est pour ça que je suis un consommateur de vulgarisation, parce qu'il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent que ce que je fais. Et en fait, bah, pendant ces longues heures de dissection dont je parlais, vraiment, des fois, en général, c'est 4-5 heures de dissection d'affilée, et ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'est bête, enfin c'est un travail manuel, hein. J'ai pas besoin de réfléchir trop à ça, et donc j'ai vraiment l'esprit disponible pour écouter des heures et des heures et des heures de podcasts. Donc, je suis un immense consommateur de podcasts, et donc il y a vraiment cet aspect-là de partage de connaissances et d'apprendre plein de choses. Alors après, pas que des podcasts scientifiques, hein, mais il y a vraiment ce premier aspect-là, la vulgarisation, qui me semble important. Mais il y a surtout il y a un deuxième aspect moi qui m'intéresse dans la vulgarisation, c'est en fait essayer de faire partager pourquoi nous on fait de la science. Et je suis quasiment sûr que la plupart des scientifiques, quand on leur demande en fait pourquoi vous faites ce que vous faites, c'est pas pour dire ah, bah, parce que ça va, on va augmenter le pool de savoir de l'humanité. Je pense qu'en fait, concrètement, ce qui nous motive au quotidien, c'est que on fait des trucs qu'on trouve magnifiques, passionnants. Et je crois qu'il y a la dimension d'esthétique qui revient, mais tout le temps, que ça soit dans la théorie où il y a les mathématiciens disent qu'une équation elle est belle. Et ben moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les films que je fais, ils sont magnifiques. Alors c'est pas parce que c'est mes films que je les fais, mais c'est vraiment ce que je filme est magnifique. Les systèmes qu'on regarde sont incroyables. Et ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est encore peu partagé dans la vulgarisation. Alors, enfin, non, il y en a, hein, mais je pense qu'une très grande partie de la vulgarisation est axée sur le partage des connaissances. Et donc, par exemple, vulgarisation partant du journalisme scientifique, il y a ce que j'écoute tous les jours, la méthode scientifique. C'est la méthode scientifique de France Culture, c'est... extraordinaire, c'est vraiment super intéressant. Mais ça, c'est vraiment l'aspect partage des connaissances. Et pour le coup, l'aspect partage du waouh des sciences, je trouve qu'on l'a beaucoup moins. Et ça, c'est un peu un de mes buts, quoi. Alors que c'est pas forcément quelque chose que j'ai encore beaucoup fait, mais que j'aimerais vraiment faire plus dans le futur. Et si je peux partager, vraiment faire une recommandation, c'est là, il y a la deuxième saison en ce moment qui sort du projet Lutetium, qui est justement dans le domaine de la matière molle dont je parlais tout à l'heure. C'est un projet art science qui est incroyable, où ils font des vidéos à caméra rapide de gouttes qui explosent avec de la musique qui est composée exactement pile pour cette vidéo. Ils font des choses magnifiques. Et ça, je pense que c'est vraiment une de mes motivations les plus importantes pour la vulgarisation. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vu que Eléa hochait la tête aussi quand tu disais ça. Et je pense qu'effectivement, en tant que chercheur, c'est un truc qui est parfois frustrant de ne pas avoir soit le temps, soit de pouvoir partager cette excitation qu'on a au quotidien sur ce qu'on fait. Et Léa, tu voulais dire un truc ? Ah oui, c'est vrai que l'aspect émerveillement, en fait, revient beaucoup pour beaucoup de chercheurs, je pense. Après, c'est une discussion qu'on peut avoir, mais je ne sais pas si l'émerveillement seul, en fait, peut se transmettre. Tu peux en parler et dire que tu es émerveillé. Après, il y a aussi une question de sensibilité personnelle qui fait que par ce biais, tu ne vas pas forcément accrocher tout le monde. Donc effectivement, l'approche la plus simple, je pense, c'est le partage des connaissances, parce que c'est plus facile d'accrocher quelqu'un en leur expliquant pourquoi cette chose fonctionne comme ça et qu'est-ce qu'ils voient, que juste leur montrer des choses belles s'ils n'ont pas les clés pour les regarder aussi. Ouais, mais je pense que, en fait, dans la ressource, le projet Lutetium dont je parlais juste avant, ils arrivent à faire passer justement des tout petits. Par exemple, il y a que du texte, il n'y a pas de voix off, et donc ils font passer juste des tout petits mots. Donc, et on comprend quand même quelque chose. On a fait passer une vidéo de 3 minutes et on a compris quelque chose sur le concept de tension de surface. Et c'était super beau en même temps. Alors j'ai l'impression que ce que tu décris, en fait, c'est quelque chose qui se fait plus aux États-Unis. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai un peu plus en vulgarisation ici, un peu plus qu'en France. Et toi, tu as fait de la vulgarisation dans les deux pays. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Est-ce que tu penses que la vulgarisation, l'approche des US est différente qu'en France? Est-ce qu'on devrait s'en inspirer? En fait, ça, j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Moi, j'ai clairement trouvé qu'il y avait une différence, c'est-à-dire que bon, j'ai fait plusieurs choses aux États-Unis. Moi, j'ai commencé par organiser Pint of Science à Boston, qui après a changé de nom, on est devenu Taste of Science, mais c'est la même chose. Le but, c'est de prendre des chercheurs et de les emmener dans un bar et leur faire parler devant un public qui n'a pas l'habitude dans un univers un peu plus, dans une ambiance un peu plus détendue, qui n'a pas l'habitude de voir des sciences, quoi. Et ça, clairement, moi, c'est quelque chose qui a un succès énorme en France, en Europe, et aux États-Unis, c'est tout petit. Donc moi mon expérience aux États-Unis, c'est que en fait, ça marche pas. Je pense que le fait qu'on soit un plus petit pays, peut-être qu'il y a des réseaux à pied avec, je ne sais pas, peut-être des structures comme le CNRS ou je ne sais pas, qui fait qu'il y a des soutiens institutionnels peut-être un peu plus gros, enfin en tout cas plus proches parce que le pays est plus petit, qui fait que ça fonctionne plus facilement. Mais alors ce dont j'ai l'impression aux États-Unis, c'est que ça s'organise, tout est un peu plus décentralisé, comme souvent en fait, et qu'il y a c'est un peu plus des initiatives locales qui dépendent vraiment d'une université et pas forcément des initiatives nationales. Enfin, en tout cas, qui ne vont pas forcément prendre l'ampleur nationale tout de suite. Je sais pas, mais c'est un peu une hypothèse comme ça. C'est ce que j'ai vu, mais après, moi, j'y suis pas. Mais t'as plusieurs exemples comme ça d'initiatives qui du coup n'ont pas pris nationalement. Je pense qu'en plus il y a pas forcément la volonté d'aller au niveau national. C'est-à-dire qu'il y avait l'équivalent d'un Pint of Science qui s'appelle Science by the Pint, organisé par des élèves de Harvard et qui existe depuis 15 ans, mais ils n'ont jamais voulu faire au-delà que c'est un séminaire qui se passe une fois par mois, qui est vraiment le même concept, et je ne suis pas sûr qu'ils aient entendu parler de Pint of Science, ils n'avaient clairement pas l'envie de faire quelque chose en dehors d'Harvard, quoi. Enfin, c'était ouvert au public, mais c'était pas, ils n'avaient pas l'intention de grossir. Après, vu que ça fonctionne par État, tu peux considérer un peu que chaque État est un petit pays, c'est tellement grand. Mais je pense qu'en fait, on a plus une culture associative qui fait que on a un peu envie de grandir assez rapidement. Alors que il y a pour beaucoup, j'ai l'impression, aux États-Unis, enfin moi j'ai vu aussi d'autres projets de journaux étudiants à l'échelle de vulgarisation à l'échelle de l'université. Il y a un autre que je connaissais à Harvard qui s'appelle Science in the News. Et eux, pareil, ils voulaient rester au niveau d'Harvard. Et je pense que c'est des projets étudiants. Ils veulent faire ça pendant leur. Mais ils n'ont pas forcément envie d'en créer une association qui va grossir et qui va prendre de l'ampleur. qui va être pérenne, quoi. Toi, tu as lancé SoftBite, c'est ça, quand tu étais à Boston. Du coup, c'est une initiative aussi qui va rester plus locale ou que tu comptes continuer à développer? Alors, donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a pas mal grossi, même avant que je lance SoftBite. En fait, moi, j'ai participé à quelque chose qui est l'exact contraire de ce que j'étais en train de dire, quelque chose qui a pris une ampleur nationale, qui est une conférence de formation à la vulgarisation pour les doctorants, qui s'appelle ComSciCon. Et dans cette conférence, en gros, elle a été créée par les fondateurs d'un blog qui s'appelle AstroBytes. Et le concept de AstroBytes, c'est prendre un papier de recherche en astrophysique et en faire un petit post, donc un petit morceau, un byte, qui résume pour tout le monde, pour n'importe qui, ce papier de recherche. Et en fait, le concept, c'est que ça fait de la vulgarisation un peu entre de niche, qui est un peu entre deux niveaux, entre la vulgarisation qui est la vulgarisation vraiment grand public, qui parle un peu de tout, et les papiers de recherche, parce que cette vulgarisation-là, elle est sur un sujet en particulier très, très précis. Et du coup, ça intéresse peut-être plus des étudiants qui sont déjà un peu plus intéressés et pour les emmener vers la recherche. Et du coup, moi, ce que j'ai voulu... après, en fait, AstroBytes, il n'y a pas eu que AstroBytes, il y a ChemBytes, il y a ParticlesBytes, il y a plein de bytes différents. Et le but, c'est du coup de faire le même concept dans d'autres domaines. Et donc moi, j'ai lancé SoftBytes pour la soft matter, donc la matière molle, et qui comprend aussi un peu du coup la biophysique. Mais j'appelle tous les biologistes du développement à faire DevBytes. Moi, j'aimerais bien que DevBytes existe. Parce que donc, moi, mon activité du confinement, ça a été d'essayer d'organiser un peu ce réseau de bytes qui existe, les Science Bytes. Donc maintenant, on a un site qui s'appelle Science Bytes on est 18 sites différents, 18 domaines des sciences différents. Et voilà, donc le but, c'est que ce concept se développe. Et d'ailleurs, même il y a eu aussi une ancienne collègue d'école qui a importé le concept en français. Ça s'appelle Papier Mâché, ça a été lancé il n'y a pas très longtemps. J'ai un peu aidé à la... On a parlé tout ça avec cette collègue pour monter Papier Mâché. Et voilà. C'est très très bien. Et Léa a participé à Papier Mâché. Ouais, voilà. J'ai tenté l'expérience. Le but de ça, comme Léa peut le dire, c'est qu'on essaye de... Aussi, pour les personnes qui le font, c'est vraiment un apprentissage à l'écriture scientifique, parce qu'on fonctionne un peu comme un journal classique. Donc en fait, un journal va avoir un éditeur, des reviewers, donc des relecteurs. Et donc nous, on a un petit comité éditorial, et donc chaque poste est relu par les pairs, en fait, et donc c'est de la communication scientifique relue par les pairs. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, c'est un peu à mi-chemin entre la science telle qu'elle se fait, un peu dans les mêmes formes, et la vulgarisation. Et là, pour le coup, ce que je trouve intéressant dans l'exercice, c'est qu'il y a vraiment du bénéfice sur les deux parties, donc, et les scientifiques qui s'entraînent un peu à simplifier les concepts avec lesquels ils jonglent au quotidien, mais sans forcément les devoir les expliquer, et de l'autre côté, pour les lecteurs qui, du coup, ont quelque chose d'accessible et d'intéressant, quoi. Ouais. Et, ouais, non, c'est vrai. Et du coup, si je peux continuer sur Papier Mâché, ce concept-là. Au début, je parlais de ComSciCon, qui était... Qui en fait était assez en lien avec ça, parce que c'était fondé comme SciCon par les fondateurs d'AstroBytes. Donc en fait, il y a un apprentissage dans ce workshop comme SciCon à l'écriture scientifique, parce que tout ça, ça prend du temps. Et donc moi, mon nouveau projet, justement, c'était d'importer comme SciCon en France. Donc on a eu la première édition qui s'est tenue en septembre. Et donc, on avait demandé à plusieurs relecteurs de Papier Mâché, mais aussi des journées scientifiques, de venir animer un atelier de formation à l'écriture scientifique. et la vulgarisation, pour, parce que on, parce que ouais, ce domaine-là, c'est, enfin ce travail-là de l'écriture scientifique, ça s'apprend, c'est complexe. Et du coup, tu parlais justement de ça, donc on a Johan et Topo qui sont venus à ComSciCon France que tu as organisé. Tu comptes, du coup, on en a parlé un peu en préparant l'émission, mais tu comptes voilà, développer ça et en faire une structure justement plus grosse à l'avenir. Ouais, là, la première édition, c'était une édition sur une journée unique parce que c'était vraiment une petite équipe pour commencer ça, c'était assez compliqué. Moi, je revenais tout juste des États-Unis. Une grande partie, c'est le début de l'organisation, c'est fait quand j'étais encore aux États-Unis. Enfin, c'était vraiment complexe. Puis après, on a eu le Covid, tout. Donc, en fait, on a fait une journée unique. Mais le but, c'est de faire ça quand même sur plutôt 2-3 jours. Et puis, par contre, une fois par an, mais 2-3 jours pour que les étudiants... Donc, c'est une formation qui est décidée... aux doctorants uniquement. Et c'est en petit comité, c'est pas une grande conférence avec 300 personnes. Le but, c'est de sélectionner en gros quelques dizaines de doctorants pour qu'ils aient le temps de vraiment participer à des ateliers pratiques. Et donc, en effet, donc on avait un atelier pratique, monter son podcast, on avait un atelier vidéo, puis on avait une table ronde très intéressante avec des journées scientifiques où on a parlé un peu du paysage médiatique, enfin la place des sciences dans le paysage médiatique qui est assez compliqué en ce moment. On voit ouais. avec le Covid, avec la disparition de pas mal de journaux de journalistes scientifiques. Voilà. Il y avait beaucoup de choses à dire et c'était vraiment très intéressant. Ah, mais c'est super, je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque, notamment au niveau thèse actuellement. C'est vrai que quand on veut faire de la vulgarisation, on ne sait pas forcément toujours comment faire et parfois on a peur, donc c'est vraiment super de faire ça. Et du coup, un peu redondant avec une question précédente, mais tu as l'air toujours très impliqué là-dedans. Est-ce que tu penses à l'avenir partager ta vie entre la recherche et la vulgarisation ? Bah, enfin, c'est sûr que moi, mon objectif actuel, c'est vraiment de continuer dans la recherche. Hein. Ouais. Je me vois pas autrement que chercheur pour l'instant. Alors, c'est que c'est quand même très bouché, c'est très compliqué d'avoir un poste, donc j'en suis pas encore là, il me reste encore quelques années, mais avant de vraiment candidater, mais bon, ça arrive très vite. Et ouais. Donc, pour l'instant, ouais, je me vois pas faire autre chose que de la recherche, mais je me vois pas non plus abandonner la vulgarisation. Donc, le problème, c'est arriver à mener les deux de front, c'est très chronophage. Je pense que c'est le cas pour n'importe quel vulgarisateur, mais il y en a qui arrivent. Non mais c'est vrai, on est rien qu'ici, on est plusieurs comme voilà. Ça à galérer un peu. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Il y en a qui finissent par arrêter la recherche parce qu'ils sont frustrés de pas pouvoir faire assez de vulgarisation. Ouais, et d'ailleurs comme tout le monde, il y a plein de vulgarisateurs autour de ces micros. Moi, j'aimerais bien que lancer un petit débat au sein de la communauté de la vulgarisation sur. Je trouve ça fou qu'on se soit pas encore tous mis d'accord sur l'utilisation de la dénomination de science dure, science molle, science exacte et tout ça, et à chaque fois on en a encore reparlé. Hein, on met des guillemets, on dit science dure, on sait bien que c'est pas des sciences dures parce qu'il y a pas de science molle. On sait bien que c'est pas des sciences exactes parce que la biologie c'est absolument pas exact. Et je trouve que faudrait qu'il y ait enfin qu'on se mette tous d'accord. Moi, je propose science de la matière et de l'univers pour ce qu'on appelle les sciences dures, avec des gros guillemets, parce que la science de la matière, ça touche aussi la matière vivante. Voilà. C'est ma petite proposition à la communauté des vulgarisateurs. Si vous avez. Alors, j'allais faire une blague, je te propose de mettre ça sur Twitter. Non, je déconne. Et de voir. Bah moi, je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, science molle, c'est... Enfin, moi, c'est... Bah, à titre personnel, c'est pas un terme que j'utilise. J'ai plutôt tendance à utiliser science humaine. Oui, en fait, personne n'utilise science molle. Hein, mais c'est juste, c'est plus bah, que justement, en science dure, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas des sciences molles. Alors, sciences humaines, c'est bien. Sciences humaines et sociales, SH, en général, SHS, c'est bien, en général quand même bien... Bon, là, on sait de quoi on parle. Mais c'est l'autre, en fait, le problème. C'est qu'on ne va pas dire non-SHS. On va... C'est compliqué, quoi. Et donc, les vraies sciences. Pardon, je fais de la provoque volontaire parce que Cléora est, est très science humaine ici. Et récemment, on a eu quelqu'un, un auditeur, qui nous a demandé, qui nous a laissé en commentaire une requête pour qu'on fasse plus de sciences dures parce qu'on parlait trop de biologie. Ah oui, après, est-ce que la biologie fait partie des sciences dures? Ouais. Donc la frontière est mouvante. Dépend hein, voilà. Des gens, j'imagine. Effectivement, et du coup, on va passer au dernier volet de cette interview. Et je pense que finalement, cette question, elle est liée à ça, puisqu'on vient de parler finalement de sciences dures, sciences molles, comment la société voit ça finalement, pas uniquement les vulgarisateurs. Ça tombe bien, parce que toi, tu es très engagée dans le milieu de la défense de la recherche. On a une nouvelle loi en ce moment qui en passe d'être passée, qui, selon le gouvernement, est censée améliorer les conditions de travail, mais qui est énormément discutée et qui n'est pas du tout appréciée des chercheurs. Et toi, tu as écrit une tribune sur ce que c'est qu'être un jeune chercheur dans Libération, qu'on vous mettra en note d'émission, et tu t'opposes à cette loi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors déjà, juste, je ne l'ai pas écrit tout seul. Oui, c'est vrai. On est une dizaine de co-auteurs. En fait, je pense qu'on pourrait faire un podcast entier. Il y a eu déjà même des émissions entières sur cette loi. En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Et justement, la ministre de la Recherche dit que ce n'est qu'une loi budgétaire, ce n'est rien d'autre. En fait, bon, on voit très bien que c'est autre chose, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, enfin, moi, je n'ai pas très envie de rentrer là-dedans parce qu'on y passerait des heures. Mais... En fait, on peut revenir tout de suite à des choses très très simples. En fait, pourquoi la recherche est en crise, c'est assez simple. Simplement, il n'y a pas assez d'argent dans la recherche. On avait mis des objectifs il y a 30 ans, des objectifs d'augmentation du budget de la recherche. Bah, ces objectifs n'ont pas été tenus, même si les budgets ont diminué. Et en gros, ce que ça veut dire, les diminutions des budgets, c'est à peu près en 20 ans, il y a environ deux fois moins d'embauches, que ce soit pour être maître de conférence, être chercheur CNRS. Il y a à peu près deux fois moins de postes ouverts aujourd'hui que ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années. Donc en fait, et par ailleurs, on est beaucoup plus à faire de la recherche. Donc en fait, il y a un goulot d'étranglement monumental et puis il n'y a plus d'argent dans les... Ce qui se passe, c'est que... Et puis aussi, la population étudiante a augmenté. Donc, en fait, ce qui fait tenir, il faut bien comprendre que le système, quand même, il tient juste avec quelques vacataires qui sont payés au lance-pierre, qui, des fois, ne sont pas payés avec 6 mois de retard, d'autres qui font leur recherche sur leur chômage. On leur dit, attendez, vous avez un chômage, venez pas vous plaindre, vous n'êtes pas sans le sou, donc vous pouvez... Enfin, voilà, c'est pas... Bien sûr, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a quand même un système qui est clairement à bout de souffle. Et donc, pour répondre à ça, le gouvernement propose un chiffre monumental. Il propose 25 milliards investis dans la recherche. Et moi, j'aimerais juste débunker un peu ce chiffre, parce qu'en fait, c'est une vision des choses quand même assez bizarre. C'est qu'en gros, c'est 25 milliards qui seront dépensés en plus sur les 10 ans. C'est comme si on vous disait, votre employeur vous dit, je vous augmente de 10 euros. Du coup, par mois. Du coup, ça fait 120 euros par an. Du coup, ça fait 1200 euros sur 10 ans. Et il allait claironner sur tous les toits qu'il vous a augmenté de 1200 euros. Enfin, il dit, c'est quand même vision, c'est quand même une présentation quand même fallacieuse de la situation. Tu m'as augmenté de 10 euros, tu ne m'as pas augmenté de 1200 euros. Donc, on voit bien que ça n'a aucun sens d'additionner tout l'argent qu'ils vont mettre en plus. Donc, en fait, le but, ce qu'il y a dans cette loi, le but, c'est d'arriver à 5 milliards d'augmentation. Un budget qui serait 5 milliards plus haut dans 10 ans. Et donc déjà, ça serait un chiffre un peu plus sérieux à présenter. Et en plus, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'en fait, ce 5 milliards, on les atteindra. Eux, ils s'engagent sur rien du tout, puisque toute l'augmentation qui est prévue par cette loi, elle arrivera à la fin des 10 ans. Et eux, ils s'engagent en 2021 sur les fameux 25 milliards, ils s'engagent à en dépenser 0,4% en 2021 sur le budget 2021, qui est le seul sur lequel ils peuvent s'engager, eux. Donc, on voit bien que c'est complètement... à nouveau, c'est pour ça que le système, le monde de la recherche se sent méprisé, parce que, à nouveau, c'est un gouvernement qui, comme tout plein de gouvernements avant... on attend la fin d'un quinquennat pour dire, alors qu'on aurait pu faire les choses avant, on sent bien qu'on n'est pas la priorité, quoi, et on repousse toujours au prochain quinquennat, ça sera le prochain gouvernement qui fera les efforts. Mais on peut pas dire que c'est un échec, juste, ça n'a pas marché. Oui, mais voilà, il y a clairement un monde entre ce qui est présenté de... Un budget mirobolant, un chiffre incroyable, et clairement, le vocabulaire employé, c'est un réinvestissement historique comme il n'y avait pas eu depuis des décennies. Mais ce réinvestissement, il n'est pas tangible, puisqu'on ne sait pas s'il va vraiment avoir lieu, puisque eux, ils ne s'engagent sur rien. Donc, Et clairement, en ce moment, il y a le passage à l'Assemblée nationale, il y a eu le passage à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, là c'est en train de passer au Sénat, c'est-à-dire que les Républicains et le Parti communiste faisaient les mêmes amendements et étaient d'accord sur les mêmes choses en disant « ce n'est pas sérieux, votre seul argument c'est dire que la recherche a besoin de fonctionner, ça fonctionne sur le temps long, donc c'est pour ça qu'on vous donne les augmentations seulement dans longtemps ». Plein d'autres choses se font sur le temps long. La programmation militaire, c'est aussi sur le temps long. Et on ne dit pas, on va vous donner l'argent dans 10 ans et tout de suite, vous arrêtez. On ne vous donne rien tout de suite. Donc les députés étaient vraiment abasourdis par les arguments donnés par le gouvernement. C'est quelque chose qu'Emmanuel Charpentier a très brièvement commenté, d'ailleurs, après son prix Nobel, en disant qu'effectivement, il fallait investir maintenant et non pas dans 10 ans, dans la recherche fondamentale qui permet de trouver des choses qui sont à la base de tout et que partout dans le monde, mais particulièrement en France, on avait ce déficit de moyens et aussi de problèmes de structuration de la recherche. Finalement, c'est un peu ça ce que tu dis aussi. Juste mettre de l'argent par-ci, par-là, c'est même pas finalement le problème, quoi. Le problème est plus profond que ça. Ouais. Mais après, oui, c'est comme tu dis, c'est vraiment un problème qui, je pense, international. On voit actuellement là qu'au niveau européen, en gros, un des gros organismes, l'ERC, qui finance la recherche, est aussi menacé de voir son budget diminuer. C'est quelque chose qui... Je pense qu'il y a un contexte plus explosif en France parce que en fait la France, qui était une bonne nation de recherche, est clairement sur une pente négative comparée à d'autres pays. Donc je pense pas que ce soit forcément mieux ailleurs, mais en France on voit les choses se dégrader. Ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins de postes ouverts par rapport à quelques années. Ouais. Et donc je pense que c'est plus ça. C'est pas que c'est pire en France qu'ailleurs, c'est que en France il y a vraiment une sorte de morosité en voyant un système qui marchait pas trop mal s'effondrait, quoi. Et toi qui as donc fait ta thèse sur un sujet assez proche de ce que tu fais en postdoc, donc j'imagine que tu utilises un peu les mêmes, tu nous l'as dit, des techniques similaires, etc. Est-ce que tu vois une différence de moyens, une différence pratique pour faire tes expériences et faire ta recherche entre l'expérience que tu as eue à Boston et celle que tu as à Paris, pour permettre un peu aux gens de comparer Alors, moi, je pense que je suis pas forcément un bon exemple, c'est-à-dire que je suis quand même dans une situation très privilégiée. Mon chef a réussi à avoir la bourse dont je parlais, l'ERC, qui amène beaucoup d'argent, il a réussi à avoir cette bourse-là. Moi, je suis à l'Institut Pasteur qui quand même fait partie des institutions en France qui sont très bien financées. Donc, j'ai zéro problème, je suis vraiment dans une situation très très privilégiée. Et donc quand je parle vraiment de, de la situation assez catastrophique qu'il y a dans les facs ou avec les vacataires qui sont payés en retard ou pas payés du tout. Enfin, ça s'applique pas du tout à moi. Donc, moi, je peux pas trop comparer les deux systèmes, quoi, parce que je suis vraiment... moi, là, à Pasteur, j'ai un peu le meilleur des deux systèmes avec l'argent à foison qu'il y a un peu dans le système anglo-saxon. Puis en même temps aussi, beaucoup, ce qui marche bien en France, c'est qu'on a beaucoup de support technique, c'est-à-dire qu'on a plein d'ingénieurs CNRS, on a des techniciens, ouais. On a des plateformes qui marchent très bien. Ouais. Qui, alors, aux États-Unis, par exemple, tout est très externalisé. On fait appel à des compagnies extérieures pour beaucoup de choses, alors que nous, on va avoir un ingénieur de plateforme microscopie assez classiquement, qui va venir nous aider à faire nos expériences, à réparer notre matériel. Enfin, il y a plein de choses qui... Ça, c'est vraiment le bon côté de la France. Et du coup, j'ai un peu le meilleur des deux systèmes à Pasteur avec ça. Après, ouais, voilà, ça dépend aussi dans quel institut t'es en France. Si t'es dans un tout petit institut où il n'y a pas de plateforme, justement, là, tu te retrouves quand même à faire de la recherche comme au Moyen-Âge, où tu fais tout seul et tu te débrouilles quand il y a un problème, quoi. Ouais, non, c'est pas ça, c'est absolument pas ça partout, hein, mais en fait, statutairement, ça existe, c'est-à-dire que les postes de techniciens, d'ingénieurs de recherche, ça existe, qui fait que bien sûr qu'ils ne sont pas partout, et que, mais qui crée quand même un réseau où on peut s'en sortir bien avec un peu avec des gens compétents sans avoir besoin d'avoir des tonnes d'argent pour compenser et d'appeler un prestataire externe, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas souvent assez en France, c'est qu'en France, on a les chercheurs, donc ils sont chargés de recherche ou maîtres de conférences, mais on a aussi effectivement des gens qui sont ingénieurs, qui sont d'une aide cruciale et qui font la recherche au même titre que n'importe qui d'autre dans les laboratoires, et que ça, c'est vrai que c'est une spécificité française qui, je pense, permet d'avoir à la fois ces discussions un peu plus larges, impliquer d'autres personnes, et d'avoir vraiment un travail qui est collaboratif et qui, avec beaucoup de retours sur ce qu'on fait, beaucoup plus qu'aux États-Unis, je trouve. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà, bah écoute, on a, je pense que tu nous as bien décrit un peu pourquoi tu t'engageais, les problèmes de cette loi. Donc, pour finir cette interview, j'ai deux questions, un petit peu en dehors. Si tu nous as beaucoup dit que tu faisais de la science pour la curiosité, pour voilà, l'émerveillement, découvrir des choses, si tu n'avais pas fait de la science, est-ce que tu aurais fait quelque chose de complètement différent ? Est-ce que tu sais ce que tu aurais fait comme métier, comme carrière ? Alors, quand j'étais petit, je voulais être cuisinier. mais en fait, enfin, vraiment, je pense que... Alors, c'est un peu une fausse réponse. Je pense que j'aurais été quand même chercheur. J'aurais été chercheur dans un autre domaine. Par exemple, en histoire, j'aime beaucoup l'histoire, ou en économie. Je pense que, en fait, il y avait vraiment juste ce truc-là au début des études, à ne pas savoir quoi choisir, que j'étais vraiment intéressé par un peu tout. Et en fait, je perçois mieux maintenant, c'est que en fait j'ai envie d'être chercheur, et après en fait le domaine dans lequel je me suis retrouvé, bah, il me passionne, mais je pense que ça aurait pu être plein d'autres domaines, quoi. C'est marrant, t'es pas le seul à nous faire ce genre de réponse, de dire que finalement la recherche c'est un peu un état d'esprit, et que t'aurais cherché des choses, t'aurais appris des choses quel que soit le moyen. J'ai une autre, la deuxième question, c'est, je pense que tu y as un peu répondu, mais peut-être que tu vas répondre autre chose. Si tu devais choisir un mot pour dire pourquoi tu fais de la science, quel serait ce mot ? Je pense que c'est émerveillement. Parce voilà, que c'est, je pensais bien que tu allais dire ça. Waouh, l'effet waouh. Non, mais c'est ça, je pense qu'effectivement, t'es pas le seul à répondre ça non plus, le côté un peu émerveillement de faire de la science. Et comme on te l'a dit, nous, on a coutume de finir nos émissions par des citations. Et toi, donc, tu nous as amené une citation de Lewis Wolpert, qui est un des pionniers de la biologie du développement. Alors, est-ce que tu veux nous la lire ? Est-ce que tu l'as sous les yeux ? Alors, du coup, c'est une citation qui est un peu la tarte à la crème quand on est dans la biologie du développement. Et donc, c'est tous les biologistes du développement, on va dire, c'est un peu... c'est pas très, très original, mais bon, je pense que tout le monde n'est pas biologiste du développement ici, donc, cette citation, c'est... Ce n'est ni la naissance, ni le mariage, ni la mort, mais la gastrulation qui est le moment le plus important de votre vie. Et en fait, la gastrulation, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait, c'est un des événements très importants du développement embryonnaire, où en fait, on passe un tapis de cellules complètement inerte, à un moment où tout va changer dans tous les sens, les cellules vont rentrer à l'intérieur, ça va être c'est vraiment le boxon incroyable. Et tout change, et s'il n'y avait pas la gastrulation, il n'y aurait pas d'organisme. Non, c'est très très chouette, c'est effectivement hyper développement, et hyper geek bio et tout, mais moi j'aime bien parce que ça montre aussi un peu ce dont tu parlais, qu'on est un peu passionné par ce qu'on fait, et je trouve que ça donne bien aussi cette idée quoi, qu'un événement, que quelqu'un qui est passionné de développement te dira aussi que l'événement le plus important, c'est l'événement le plus important qui arrive dans la biologie du développement, donc c'est vraiment chouette. Moi j'adore les citations qui te ramènent à des réalités très concrètes, comme ça. Mais voilà, il faut évidemment savoir ce qu'est la gastrulation pour comprendre la citation. Donc c'est pas accessible à tout le monde, mais j'aime beaucoup. C'est un peu private justement, c'est bien. Et alors du coup, bah justement, Eléa, on va passer au quiz du moment, si tu veux bien nous le rappeler que. Oui, alors le cycle du moment a été choisi, je le rappelle, par les auditeurs lors d'un épisode précédent. Et donc, en ce moment, on se pose la question, le cycle de la Lune a-t-il une influence sur les menstruations? Alors du coup, Arthur, est-ce que tu penses que c'est une info ou une intox? Alors je pense que c'est une intox. Est-ce que tu as des arguments pour répondre à cette question? Alors moi, je pense que mon argument, c'est plus un argument de... un gut feeling de... que en fait les cycles de la Lune c'est un peu utilisé en permanence pour plein de choses et à chaque fois, alors celui-là j'ai pas le débunkage de celui-là, mais tous les autres dont j'ai entendu parler, ils ont tous été débunkés, du coup j'ai un peu un mauvais pressentiment sur là-dessus. Ok, très bien, eh bien on donnera la réponse à cette question dans le prochain épisode Roue Libre, on t'enverra le lien. Eh ben, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, tous les liens et toutes les choses dont nous venons parler Arthur et les recommandations de podcasts et de chaînes YouTube, on vous les mettra dans les notes d'émission et on les a mises dans la chatroom. Il est maintenant le temps de refermer cette émission. Profitez du confinement pour nous écouter. Merci beaucoup Arthur pour ces informations passionnantes sur la biophysique et toutes les perspectives que ça ouvre et finalement tout ce qu'on connaît pas sur la biologie du développement. Moi à titre personnel, je trouve fascinant que les forces, enfin tout ce que tu nous as montré puisse influencer à ce point le développement des organismes et aussi fasciné de voir tout ce qu'on a à découvrir. Et on va reprendre ce que tu as dit, c'est un émerveillement. Merci aussi pour ton travail de vulgarisation et rester à l'écoute de Comme ça Icon France, de ses activités et puis de toutes les activités de vulgarisation d'Arthur. La semaine prochaine, nous avons une émission du Cléora. Alors, on sait qu'on vous a dit qu'on passait à toutes les deux semaines, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas vraiment se passer de vous, donc on est toujours là toutes les semaines. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.